re. Je suis le cantonnier des chemins vicinaux. Bon, moi, je suis pas le cantonnier des autoroutes ni des autostrades. Moi, je suis le petit cantonnier, vous avez peut-être vu, dans les hautes montagnes, dans mon fossé, appuyé sur ma faux. Quand il pleut, je travaille pas. Quand il y a de la neige, je scie du bois. Heureux. Il y en a qui tiennent le haut du pavé, moi je tiens le bas du fossé. Heureux. Je suis payé au mois. Je paye pas de loyer parce que ma femme est la concierge de l'école. Heureux. Quand j'ai fini ma journée, vers les 4h30 de l'après-midi, il y en a, quand ils ont fini leur boulot, ils prennent le métro ou ils attendent l'autobus. Moi, je rentre en sifflotant. C'est bien rare si dans mon panier, j'ai pas quelques champignons, des amandes sauvages, des noix ou bien des érelles. Les érelles, vous, à Paris, vous savez pas ce que c'est. C'est un fruit très délicat. Ça pousse sous les sapins. C'est très fin comme goût. Vous pouvez pas en manger à Paris parce que ça supporte pas le voyage. Alors, c'est bon pour les cantonniers. Heureux. Il y a qu'un seul jour où je m'ennuie dans la vie. C'est lorsque je suis obligé d'aller à Paris, une fois par an, parce qu'on a une tante qui invite tous ses neveux. Mon premier cousin Germain, il n'a pas eu de chance, lui, dans la vie. Non, non. Il n'a pas pu être cantonnier parce qu'il a réussi à tous ses examens. Alors, il est devenu chef d'entreprise. Il a 700 employés. Quel est le mot qui revient toujours dans sa conversation? Il y a un mot qui revient tout le temps. Il parle tout le temps et tout le temps. Moi, j'écoute. Ah oui, ah oui, impôt. Impôt. Qu'est-ce que ça veut dire, impôt? J'en ai parlé à mon petit copain. C'est le patron du café au Joyeux Corps de Chasse. C'est à la sortie du village, juste à l'orée du bois. Il m'a dit un pot. Peut-être qu'il pense qu'à boire à Paris. Alors on a bu un pot. Mon deuxième cousin Germain, c'est le comique de la famille. Qu'est-ce qui me fait rire quand il cause? Mais j'ose pas rire devant lui parce que c'est vexant, vous savez. Quand quelqu'un cause et puis que l'autre rigole, c'est vexant. Il est professeur de philosophie. Il passe sa vie à étudier ce que les autres pensent. Il passe des nuits entières. Qu'est-ce que c'est? J'ai essayé de l'apprendre par cœur tellement ça m'a fait rire. Il disserte le rapport qu'il y a entre la pensée de Blaise Pascal qui a dit « La vie est misérablement courte » par rapport à la théorie d'Einstein qui a dit « Plus on va vite, plus le temps est court. » Des nuits entières, et moi pendant ce temps, la nuit, je dors. Heureux. Il n'y a pas que des professeurs de philosophie dans la vie. Il y a des gens qui ont des professions utiles. Mon troisième cousin Germain, c'est le toubib. Lui, il est chouette. Il me sort toujours d'embarras. Parce que l'autre fois, il y a le philosophe qui me dit, dis donc, oh, et oh, t'es heureux. Prouve-le d'une façon concrète que t'es heureux. Il y a le toubib qui a répondu pour moi, t'as déjà vu, toi, des cantonniers qui faisaient grève?